Nous avons achevé et nous avons terminé lors de notre dernière rencontre, à savoir lors du 13e discours, le rappel de toutes les lois juridiques concernant la jurisprudence funéraire. Et commençons dès à présent, et débutons dès lors, aujourd'hui, l'évocation de ce qui fait attendrir les cœurs. Car certes, Marahil ad-Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière, est une série rassemblant la jurisprudence d'une part, et l'attendrissement et l'adoucissement des cœurs d'autre part. Comme elle est une série rassemblant les preuves authentiques et les avis favorables. L'objectif de cette série, faire revenir les gens au livre d'Allah Azza wa Jal, faire revenir les gens à la tradition de leur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un temps et dans une époque où les plaisirs et les choses matérielles ont dépassé les limites, dans un temps et dans une époque où se sont éloignés, où se sont rebellés, où se sont écartés la plupart des gens de l'adoration du Seigneur des cieux et de la terre. Et ceci est notre 14e rencontre. Parmi les rencontres de cette noble série. Et ainsi, après avoir terminé l'enterrement du mort, et après avoir refermé la tombe sur le mort, c'est de cette façon, mes chers frères et sœurs, que le mort parvient, et que le mort accède à une étape étonnante, bouleversante et surprenante. Une étape parmi les étapes de la demeure dernière. Et c'est de cette façon et à cet instant que ce mort est transféré dans une demeure hors de l'ordinaire et où il rencontrera des événements étranges et inimaginaires. Telle est la demeure du monde intermédiaire, Darul Barzakh. Allah nous dit « وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » Et derrière eux cependant, un monde intermédiaire jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Darul Barzakh, le monde intermédiaire, mes chers frères et sœurs, se situe chronologiquement entre la mort de l'homme et le jour de la résurrection. Et lors de cette étape, mes chers frères et sœurs, l'homme y sera soit gracié, favorisé et comblé de bienfaits, ou soit châtié. Lors de cette étape, l'homme y sera soit honoré, élevé et respecté, ou soit offensé, méprisé et rejeté. Et derrière eux cependant, un monde intermédiaire jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et Allah est certes véridique lorsqu'il nous dit « Bismillahirrahmanirrahim » Alhaakumut takathur, la course aux richesses vous distrait. Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous ayez visité les tombes. Et écoutez bien attentivement et remarquez l'éloquence du Coran lorsqu'Allah nous dit Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous ayez visité les tombes. Et Allah ne nous a pas dit Hatta makathum fil maqabir, jusqu'à ce que vous ayez séjourné ou demeuré dans vos tombes. Et ainsi ici, cela est une simple visite, et non un séjour, et non un habitat, et non une demeure. Et qu'Allah soit satisfait d'Al-Arabi, qui lorsqu'il écouta lui-même réciter cette sourate, et lorsque sa parole atteint la parole d'Allah Jalla wa Ala, « Hatta zurtumul maqabir » jusqu'à ce que vous ayez visité les tombes, il dit « Wallahu mazza'iru kal muqim » Wallahi, certes le visiteur n'est pas comparable au résident. Wallahi, certes le visiteur n'est pas comparable au résident. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit Allah a créé trois sortes de demeures. Dar al-Dunya, la demeure présente. Dar al-Barzakh, la demeure du monde intermédiaire. Wa Dar al-Qarar, et la demeure de stabilité, la demeure dernière. Et Allah a attribué à chaque demeure des règles et des lois qui leur sont particulières et spécifiques. Ainsi Allah a attribué à la demeure présente Dar al-Dunya des lois spécifiques s'appliquant aux corps et aux âmes. Et Allah a également attribué à la demeure intermédiaire d'Arul Barzakh une série de règles particulières s'appliquant aux corps et aux âmes dans cette demeure. Et enfin, Allah a attribué à la demeure dernière des principes et des lois s'appliquant aux corps et aux âmes particulières à la demeure dernière. Et nous venons de dire que soit l'homme sera dans le monde intermédiaire, gracié, favorisé et comblé de bienfaits, ou soit l'homme y sera châtié. Et il n'existe pas de niveau entre les deux niveaux. Et il n'existe pas de rang entre les deux rangs. Naam. Et sachez également, comme vous le savez déjà, et comme nous vous l'avons rappelé à de maintes reprises, qu'en ce qui concerne la tombe, il existe des œuvres permettant de bénéficier du bienfait et des délices, et des œuvres causent du supplice et du châtiment dans la tombe. Et nous parlerons bi'idhnillahi jalla wa ala lors de cette noble rencontre quant aux œuvres permettant de bénéficier des bienfaits et des délices de la tombe. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse que l'on soit parmi les favorisés. Ayyuhan nas, ô vous les hommes, certes la tombe constitue soit un jardin parmi les jardins du paradis, ou soit une abîme parmi les abîmes de l'enfer. Et cela dépendra des actions que l'homme aura accomplies. Et cela dépendra des efforts que l'homme aura effectués dans cette vie présente. Et certains rapportaient l'imam al-Tirmidhi, dans son recueil et dans la chaîne de transmission Ebon, que Uthman radiallahu anhu, lorsqu'il se rappelait et lorsqu'il évoquait la tombe, se tenait debout devant une tombe et pleurait jusqu'à tremper sa barbe de larmes. Et on lui dit alors, tu évoques le paradis et l'enfer et tu ne pleures pas, et tu pleures à cause de cela. Uthman radiallahu anhu répondit alors, j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la tombe est la première demeure de l'au-delà. La tombe est la première demeure de l'au-delà. Si l'homme en échappe, tout ce qui s'en suivra sera plus simple et plus facile. Et si l'homme n'en est pas épargné, tout ce qui s'en suivra lui sera plus rude et plus difficile. La tombe est la première demeure de l'au-delà. Si l'homme échappe de son châtiment, tout ce qui s'en suivra sera plus simple et plus facile. Et s'il n'en échappe pas, tout ce qui s'en suivra lui sera plus rude et plus difficile. Et Uthman radiallahu anhu nous dit également, et j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, et je n'ai vu aucune scène sans que la tombe n'en soit plus affreuse. Je n'ai vu aucune scène sans que la tombe n'en soit plus affreuse. Ainsi, mes chers frères et sœurs, lorsque le serviteur est établi dans sa tombe, et lorsqu'il reçoit les questions des deux anges, sur lesquelles l'explication a déjà été effectuée lors de notre 12e rencontre, intitulée Su'al al-Qabr, les questions de la tombe. Ainsi, lorsqu'on aura questionné le serviteur quant à son Seigneur, et qu'il aura répondu Rabbi Allah, lorsqu'on l'aura questionné quant à sa religion, et qu'il aura répondu Din al-Islam, ma religion est l'islam, lorsqu'on l'aura questionné quant à son prophète et qu'il aura répondu Nabi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, mon prophète est Muhammad alayhi salat wa sallam. Ainsi, lorsque le mort aura réussi cet examen difficile, un appel sera lancé venant du ciel, que mon serviteur a été véridique. Préparez-lui un lit du paradis, habillez-le de paradis et ouvrez-lui une porte donnant vers le paradis. Il recevra alors dans sa tombe un lit du paradis et lui sera descendu des vêtements du paradis qu'il portera. Et on lui ouvrira une porte dans sa tombe parmi les portes donnant vers le paradis. Et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Lui parviendra alors de son parfum et de son odeur. Lui parviendra alors de son odeur et de son parfum. Et on élargira sa tombe jusqu'à perte de vue. Et il étendra son corps. Et il se sentira alors ni plongé dans les ténèbres, ni seul, ni isolé, ni à l'étroit, ni abandonné, ni délaissé, mais bien au contraire. On lui élargira sa tombe et on inondera sa tombe de lumière. Et alors, il héritera ainsi d'une demeure meilleure que la sienne, et d'une famille meilleure que la sienne, et d'une habitation meilleure que la sienne. Et ainsi, tel ce qu'Allah nous dit, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah raffermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Tandis qu'Allah égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. On munira alors ses serviteurs croyants et vertueux d'une demeure meilleure que la sienne, d'une famille meilleure que la sienne, d'une habitation meilleure que la sienne. Et alors, il ne ressentira ni ténèbres, ni solitude, ni isolement, ni contrariété, ni étroitesse. Mais bien au contraire, il passera et il sera transféré de la lassitude, de l'étroitesse, de la fatigue, de l'angoisse, de l'affliction, de la peine de ce bas monde, à la jouissance et au bonheur et aux délices de l'au-delà. Et cela dépendra, et cela sera en fonction de ses œuvres et de ses efforts accomplis dans cette demeure présente. Et ainsi, mes chers frères et sœurs, mourir sur le monothéisme pur, al-tawhid al-khalis, et sur la foi véridique, al-iman al-sadiq, au prophète, alayhi salat wa salam, et suivre sa tradition, tant en apparence que dans l'intérieur, représente la plus grande cause permettant de bénéficier des délices de la tombe. Et vivons ensemble maintenant et dès à présent avec ce hadith considérable provenant de notre noble prophète alayhi salat wa salam, un hadith que l'on écoute rarement et malheureusement dans les mosquées sur les minbars, un hadith wallahi considérable, un hadith qui réjouit les cœurs. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui l'appliquent. Ce hadith est rapporté par l'imam Ibn Hibban dans son recueil authentique et par l'imam al-Tabarani dans Mujma'i al-Awsat. Et dans la chaîne de transmission a été jugée bonne par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Targhib wa Tarhib. Un hadith selon Abi Huraira radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque le mort est établi dans sa tombe, celui-ci entendra avec certaine certitude le bruit des pas de ceux qui repartiront en lui tournant le dos. Lorsque le mort est établi dans sa tombe, celui-ci entendra certes avec certitude le bruit des pas de ceux qui retourneront en lui tournant le dos, c'est-à-dire de ceux qui auront porté son convoi funéraire et de ceux qui l'auront enterré. Il entendra avec certitude le bruit des pas des chaussures de ceux qui repartiront en lui tournant le dos. Puis le prophète alayhi salat wa salam nous dit: si le mort était croyant, la prière à salat se tiendra au niveau de sa tête. Viendra alors cette prière qu'il a accomplie dans ce bas monde, cette prière à laquelle il s'est montré assidu durant toute sa vie, cette prière qu'il a accomplie avec tous ses piliers, toutes ses conditions, toutes ses obligations, toutes ses œuvres surérogatoires, et parmi ces conditions, l'heure à laquelle elle doit être effectuée, cette prière qu'il aura accomplie dans la maison d'Allah Azza wa Jal, elle se tiendra alors au niveau de sa tête. Si le mort était croyant, la prière à salat se tiendra au niveau de sa tête et se tiendra le jeûne à siyam à sa droite, le jeûne du mois de Ramadan et le jeûne hors du mois de Ramadan, le jeûne qu'il aura jeûné pour Allah Azza wa Jal, le jeûne grâce auquel il se serait privé et abandonné des actions permises par Allah, le jeûne pour lequel il aura fait cela pour le Seigneur des cieux et de la terre. Ce jeûne se tiendra à sa droite. Et se tiendra az-zakah, l'aumône obligatoire, à sa gauche. Se tiendra ainsi le droit qu'il aura réservé aux pauvres et aux indigents. Le droit envers lequel il ne serait pas montré avare en espérant la satisfaction du Seigneur de l'univers. Le droit pour l'acquittement duquel il aura travaillé espérant le paradis des délices. Se tiendra az-zakah, l'aumône obligatoire à sa gauche, et se tiendra l'accomplissement des bonnes œuvres, fi'alul khayrat, et parmi elles, les aumônes, les prières, le convenable, la bienfaisance envers les gens, au niveau de ses pieds. Puis Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit: puis lui arrive du côté de sa tête, c'est-à-dire puis le châtiment lui arrive du côté de sa tête, c'est-à-dire dans sa tombe. Vient alors la prière à salat, qui lui dit « Ma qibali matkhal » « Il n'y a pas de passage de mon côté » Viendra alors cette prière envers laquelle il se serait montré assidu dans sa tombe et elle dira « Pour le défendre et pour le protéger du châtiment » et constituera ainsi une cause lui permettant d'obtenir les bienfaits et les délices dans la tombe au niveau de sa tête. « Ma qibali matkhal » « Il n'y a pas de passage de mon côté » Puis, le châtiment lui surgit par la droite. Et viendra alors Asiyem, le jeune, qui dira « Mère Kibeli Matral, il n'y a pas de passage de mon côté. » Puis le châtiment lui surgit à sa gauche. Viendra alors Azzaka, l'aumône obligatoire, qui dira « Mère Kibeli Matral, il n'y a pas de passage de mon côté. » Puis le châtiment lui arrive au niveau de ses pieds. Viendra alors l'accomplissement des bonnes œuvres. Fi'alul khayrat, les aumônes, la bienfaisance, les adorations, qui diront « Mère Kibeli Matral, il n'y a pas de passage de notre côté. » Puis après cela, les deux anges s'adresseront à lui en lui disant « Assis-toi. Assis-toi. » Et alors ils le feront s'asseoir dans sa tombe. Il s'assiera et on lui fera apparaître l'image du soleil qui s'apprête à se coucher comme s'il regardait le soleil et voyait le soleil à partir de sa tombe. Ils le feront s'asseoir et on lui fera apparaître le soleil qui s'apprête à se coucher. Et les anges s'adresseront à lui en lui disant et en lui posant la question suivante. Que dis-tu sur cet homme qui était devant vous? Que témoignes-tu? Que dis-tu sur lui? Et alors le serviteur croyant répondra. Da'uni usalli. Laissez-moi accomplir la prière. Laissez-moi prier. Subhanallah al-Azim. Le croyant véridique. Celui dont le cœur s'est accroché à la prière pendant cette vie présente. Il ne l'oubliera pas, même pas dans sa tombe. Mais mieux encore, l'accomplissement de celle-ci lui manquera. Pourquoi? Car son cœur a vécu accroché à ses prières durant toute sa vie. Et il l'évoquera lors de sa mort et au fin fond de sa tombe. Et les deux anges lui diront « Assis-toi ». Et ils lui demanderont au sujet du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il leur répondra « Da'uni usalli ». Laissez-moi accomplir la prière. Car c'est celui, mes chers frères et sœurs, dont le cœur s'est accroché à cette œuvre considérable qu'est la prière pendant la vie présente. Non pas comme le cas de beaucoup d'entre nous, certains qui ont abandonné la prière, d'autres qui négligent leur prière, d'autres encore qui prient, mais leurs prières leur sont plus lourdes que des immenses montagnes ancrées. Et alors tu peux les apercevoir entre l'adhan ou l'iqama, comme s'ils étaient assis sur des braises ou l'ayadu billah, et comme s'ils disaient à l'imam, « Ya imam, soulage-nous de cette prière !»« Da'uni usalli » Laissez-moi accomplir la prière. Tel est le serviteur qui, lorsqu'il s'est trouvé coincé par une affaire dans la vie présente, a couru et s'est précipité vers l'accomplissement de la prière. Tel est le serviteur que, lorsque l'affaire se resserrait devant lui, se réfugiait dans l'accomplissement de la prière. Tel est le serviteur qui, dès qu'une affaire lui devenait difficile, et dès que le mal l'atteignait, se dépêchait de se présenter devant Allah et Azza wa Jal, afin qu'il lui demande et qu'il l'invoque. Na'am. Da'uni usalli, laissez-moi accomplir la prière. Les deux anges lui diront alors, certes tu l'accompliras, mais réponds-nous à la question que l'on t'a posée. Réponds-nous tout d'abord à cette question. Que dis-tu sur cet homme qui était devant vous? Que dis-tu à son propos? Que témoignes-tu de lui? Et alors le serviteur répondra, Muhammad, c'est certes le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons cru en lui, et il nous est venu avec la vérité provenant de son Seigneur et Azza wa Jal. Et il nous est venu avec la vérité provenant de son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Et les deux anges lui diront alors, sur cette vérité tu as vécu, et sur celle-là tu es mort, et sur cette vérité tu seras ressuscité, Incha'Allah. Puis on lui ouvrira une porte parmi les portes du paradis. Et il contemplera alors ce qu'Allah y aura réservé, et on lui dira, tel est ce qu'Allah t'y a réservé. Ça croîtra et se multipliera et augmentera sa joie et sa satisfaction. Puis on lui ouvrira une porte parmi les portes de l'enfer. Et on lui dira, tel est ce qu'Allah t'aurait réservé si tu lui avais désobéi. Et alors ça croîtra sa joie et sa satisfaction. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, et on lui élargira sa tombe de 70 coudées. On lui élargira sa tombe de 70 coudées, puis son corps retournera à ce qu'il a été créé. Son corps redeviendra de la terre. Mais aucun mal ne l'atteindra s'il est parmi les graciés et s'il est parmi les favorisés et les comblés de bienfaits. Aucun mal si l'âme est parmi les favorisés. Puis, Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam nous dit, et son âme sera en présence des autres âmes pures et elle se nourrira des arbres du paradis. Et ainsi tel ce qu'Allah nous dit, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah raffermit les croyants par la parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Voici, mes chers frères et sœurs, un ensemble d'actions et un ensemble d'œuvres que nous a évoqué le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, représentant et permettant aux serviteurs de bénéficier des bienfaits, des délices et des faveurs dans sa tombe. As-salatu fi waqtiha, la prière accomplie à son heure. As-siyam, le jeûne. As-zakah, l'aumône obligatoire. Fi'lul khayrat, l'accomplissement des bonnes œuvres. Al-ihsanu ila an-nas, la bienfaisance envers les gens. Et cela, en les favorisant et en leur montrant un visage jovial et épanoui, et en empêchant le mal de les atteindre. Et de plus, a été rapporté dans le recueil de l'imam At-Tabarani également. Et dans le recueil de l'imam Al-Bayhaqi, et dans la chaîne de transmission Eban, un hadith selon Uqbata ibn Amirin radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes l'aumône adoucit pour celui qui la verse la chaleur des tombes. Certes l'aumône adoucit pour celui qui la verse la chaleur des tombes. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, les gens lorsqu'ils souhaitent se protéger de la chaleur du soleil, les gens, lorsqu'ils souhaitent se protéger de la chaleur de l'été, que font-ils? Ils s'empressent et ils accourent et ils se précipitent pour installer la climatisation dans leur maison, dans leur bibliothèque, dans leurs administrations, dans leurs bureaux, dans leurs voitures. Mais ont-ils pensé à la climatisation de leur tombe? Ont-ils pensé à refroidir et à rafraîchir leur tombe pour protéger et préserver leur peau? Ont-ils réalisé la chaleur des tombes? Une chaleur qui ferait fondre le fer. Ibad Allah. Certes, l'aumône adoucit pour celui qui la verse la chaleur des tombes. Tu dépenses aujourd'hui, cher frère, pour que tu climatises ta tombe, pour que tu rafraîchisses la tombe lorsque tu seras enterré. Et dans un hadith également dans le recueil de l'imam At-Tabarani, et dans la chaîne de transmission est jugée bonne, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur, lorsqu'il est établi dans sa tombe, et lorsque lui arrive le châtiment au niveau de sa tête, le défend la récitation du Qur'an. Viendra alors la récitation du Coran, la lecture du livre d'Allah Azza wa Jal, pour te protéger du châtiment au niveau de ta tête. La récitation du livre d'Allah. Et wallah, on s'étonne, mes chers frères et sœurs. Et wallah, on s'attriste encore d'apercevoir des gens lorsqu'ils attendent la prière du Jumu'ah et lorsqu'ils attendent la prière en commun, lorsqu'ils attendent la prière entre l'adhan et l'iqama. Ne pas prendre le Coran, ne rien lire du livre d'Allah Azza wa Jal. Et Allah est certes véridique lorsqu'il nous dit en parlant de nous, « Wa qala ar-rasul, ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. » Et le messager dit, « Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Qur'an pour une chose délaissée. » Il attend la prière entre l'adhan et l'iqama. Et il n'occupe son âme, ni en invoquant Allah, ni en prononçant des doigts à Allah, ni en récitant le livre d'Allah. Comment sera alors son état? Évidemment, naturellement, al-shaytan viendra à lui et fera de son cœur un cœur désemparé, un cœur embarrassé, un cœur déstabilisé, et il le troublera. Et alors tu le trouveras attendre la prière, comme s'il voulait se débarrasser d'une inquiétude, d'un souci et d'une angoisse. Wal-iyadu billah. La récitation du Coran permet d'obtenir les délices de la tombe. Elle protège les têtes du châtiment de la tombe. Multipliez ainsi les récitations du livre d'Allah et Azza wa Jal, car certes beaucoup d'entre nous ne lisent le Coran que pendant leur prière et ceux-ci ils prient. Et certains ne lisent le Coran que pendant le mois de Ramadan. Mais wallahi, certes la plupart des gens n'ouvrent le livre d'Allah et Azza wa Jal qu'après des jours, des semaines et des mois qu'Allah nous préserve du délaissement. Et certes, il n'y a pas de bien chez un serviteur qui n'ouvre pas le livre d'Allah et qui ne lit rien du livre d'Allah et Azza wa Jal. La récitation du Coran protège le serviteur de la chaleur des tombes et du châtiment des tombes et permet l'obtention des bienfaits et des délices dans la tombe. Puis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Puis le châtiment lui surgit devant lui et le défend et le protège alors. L'aumône protège le châtiment devant le serviteur dans les tombes. Puis le châtiment lui arrive au niveau de ses pieds. Et le hadith est tiré du recueil de l'imam al-Tabarani et dans la chaîne de transmission est bonne. Puis le châtiment lui arrive au niveau de ses pieds et le protège alors son trajet vers les mosquées. Son trajet vers les mosquées, les pas qu'il aura effectués dans sa vie vers les maisons d'Allah et Azza wa Jal lui permettront de bénéficier des bienfaits et des délices dans la tombe au niveau de ses pieds, permettront la protection du châtiment dans la tombe. Ce pied qui se serait dirigé vers la maison d'Allah et Azza wa Jal sera favorisé dans la tombe. Mais il existe des pieds, mes chers frères et sœurs, des pieds, wal'iyadu billah, qui ignorent le trajet vers les mosquées. Mais ils connaissent bien évidemment le trajet et l'itinéraire des marchés, des expositions, des parcs et des jardins publics. Ils connaissent parfaitement la route vers les bords de mer. Ils connaissent parfaitement le trajet des centres commerciaux. Mais ils ignorent le trajet vers les maisons du Seigneur des cieux et de la terre. Et parmi les actions, mes chers frères et sœurs également, permettant d'acquérir les délices et les bienfaits de la tombe, ash-shahadatu fi sabilillah, le fait de mourir en combattant dans le sentier d'Allah. Allah nous dit: wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima ataahum Allah min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Allah nous dit: et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans les sentiers d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée et ravis de ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints et ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam al-Tirmidhi, selon Ubadat ibn Samit radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le martyr possède auprès d'Allah 6 qualités. Le martyr possède auprès d'Allah 6 qualités. Il est pardonné pour la première goutte de sang versée. Allah l'écarte du châtiment de la tombe et le protège de la terreur al-faza'u al-akbar. Il est habillé de la parure et du vêtement de la foi et de la croyance. Il est marié avec des houris aux yeux noirs grands et beaux. Il intercède en la faveur de 70 hommes parmi ses proches. Et on inonde sa tombe de lumière. 6 qualités pour le martyr. Mourir dans le sentier d'Allah, mes chers frères et sœurs, permet de bénéficier des bienfaits et des délices de la tombe. Et c'est pourquoi questionnaient les compagnons radiallahu anhum leur prophète alayhi salatu wassalam à propos de l'état des âmes des martyrs au paradis et à propos de l'état des âmes après qu'elles soient sorties du corps. Et alors savez-vous ce que leur a répondu le prophète alayhi salatu wassalam? Il leur dit: leurs âmes, et le hadith est tiré dans le recueil authentique de l'imam Muslim, un hadith selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il leur dit alayhi salatu wassalam: leurs âmes seront à l'intérieur d'un oiseau vert se nourrissant des arbres du paradis, qui s'abritera dans les lumières, accroché sous le trône du miséricordieux. Et il va alors s'abriter dans cette lumière, et il se promènera dans le paradis où il le désirera. Cet oiseau, qui contient cette âme, se promènera dans le paradis où il le désirera. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam continue en disant: Allah apparaîtra alors devant eux, et leur dira: désirez-vous quelque chose? Les martyrs diront alors dans le paradis et dans le monde intermédiaire: oh mon Seigneur, nous ne désirons rien, et comment désirer quelque chose après cela? Car certes nous nous promenons dans le paradis comme nous le souhaitons. Et alors le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: et il le demandera à 3 reprises. C'est-à-dire qu'Allah leur demandera: désirez-vous quelque chose? À 3 reprises. Puis, lorsqu'ils se rendront compte qu'ils se doivent de répondre à cette question, ils diront: oh notre Seigneur, nous souhaitons que tu fasses revenir nos âmes à l'intérieur de notre corps, afin que l'on combatte une fois encore dans ton sentier, et que l'on soit tué dans ton sentier une fois de plus. Et Allah les laissera alors. Mourir dans le sentier d'Allah, mes chers frères et sœurs, permet de bénéficier des délices dans la tombe. Et sachez, mes chers frères et sœurs, que par la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala envers la communauté du prophète alayhi salat wa salam, le fait de mourir martyr possède des degrés et peuvent mourir martyrs des gens sans être tués dans le sentier d'Allah. La preuve en est le hadith selon Jabir radiallahu anhu, un hadith élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont rapporté l'imam al-Nasa'i et l'imam Abu Daoud et l'imam Ibn Majah, un hadith dont la chaîne de transmission est authentique, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit: les martyrs autres que les combattants dans les sentiers d'Allah sont au nombre de 7. Le brûlé meurt martyr. Le noyé meurt martyr. Celui qui meurt d'une maladie du ventre meurt martyr. Celui qui meurt d'une épidémie meurt martyr. Celui qui meurt sous les ruines d'une démolition ou d'un tremblement de terre meurt martyr. Celui qui meurt de l'épidémie du typhus meurt martyr. Et la femme qui meurt lors de l'accouchement meurt martyr. 7 degrés de martyr qui certes diffèrent selon leur importance. Et le plus haut degré, mes chers frères et sœurs, ceux qui ont été tués dans le sentier du Seigneur des cieux et de la terre, ceux qui ont été tués dans le but de maintenir la plus haute la parole « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Mais sache, chers frères, que la miséricorde d'Allah est certes vaste. Et la miséricorde d'Allah atteint beaucoup de croyants, comme dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, et qui est présent dans la série de hadiths authentiques al-Sahiha de Sheikh al-Albani rahimahullah. Un hadith selon Ka'b ibn Malik radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les âmes des croyants seront à l'intérieur des oiseaux du paradis, se nourrissant des arbres du paradis, jusqu'à ce qu'Allah les fasse revenir à leur corps le jour de la résurrection. Et ici le prophète alayhi salat wa sallam a évoqué que ces âmes étaient celles de beaucoup parmi les croyants, et non uniquement celle des martyrs. Les âmes des croyants seront à l'intérieur des oiseaux du paradis, se nourrissant des arbres du paradis, jusqu'à ce qu'Allah les fasse revenir à leur corps le jour de la résurrection. Mais comme a dit Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, certes les âmes des martyrs, par rapport à celles du reste des croyants, sont comparables à des planètes, de par leur hauteur, et de par leurs bienfaits, leurs délices et leurs faveurs obtenues. Plus l'action sera importante, plus la récompense est importante, et plus la récompense est importante, plus s'élève le degré dans le paradis et dans le monde intermédiaire. Tel est ainsi où résideront les âmes des croyants dans le paradis. Et sachez également que ces âmes, que l'état des âmes dans le monde intermédiaire est très étrange et très bizarre, et très impressionnant. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre intitulé Ar-Ruh, a dit: certes, les âmes dans leur niveau d'importance et leur degré se différencient beaucoup dans le monde intermédiaire. Voilà des âmes qui se retrouveront dans le degré le plus élevé dans les rangs élevés al-Illiyoun. Et telles sont les âmes des prophètes et des messagers. Et certes, ces âmes elles-mêmes se différencient entre elles, comme l'a précisé l'imam Ibn al-Qayyim, et comme l'a perçu le prophète alayhi salat wa salam lors de al-Isra wa al-Mi'raj, lors du voyage nocturne et des voies d'ascension. Voilà d'autres âmes se trouvant à l'intérieur d'un oiseau vert, se promenant dans le paradis comme elle le désirera. Et telles sont les âmes d'une partie des martyrs. Et d'autres âmes seront arrêtées et emprisonnées à l'entrée du paradis à cause d'une dette non acquittée. Et parmi les âmes également, des âmes qui seront attachées sous le trône du miséricordieux. Et parmi les âmes également, des âmes qui seront emprisonnées dans leur tombe. Comme nous le dit le hadith du compagnon qui a volé une cape du butin. Un homme est certes mort martyr à l'époque du prophète alayhi salat wa salam en pleine guerre. Il est mort martyr au regard des gens. Et il paraissait avoir été tué dans le sentier d'Allah. Et les gens dirent: félicitations à lui le paradis. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam s'écria alors: walladhi nafsi biyadih, par celui qui tient mon âme dans sa main, certes la part du butin dont il s'est emparé allume en ce moment un feu dans sa tombe. Pour une cape qu'il a volée du butin, celui-là lui a provoqué le châtiment de la tombe. Et le hadith a été rapporté dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim selon Abi Hurayrata radiallahu anhu. De plus, dans le recueil de l'imam Ahmed, un hadith de chaîne de transmission authentique selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certaines âmes des martyrs seront arrêtées devant l'entrée du paradis, au bord d'un fleuve Bariqin, au niveau d'une porte parmi les portes du paradis, où leur en sortira leur subsistance matin et soir. Et parmi les martyrs, il y en a dont Allah aura remplacé leurs mains coupées par des ailes, avec lesquelles ils voleront dans le paradis. Et tel est le cas et l'état de Ja'far, le frère de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma. Voilà ce qui concerne l'état des âmes dans le barzakh, dans le monde intermédiaire. Alors qui parmi nous a déjà réfléchi où est-ce que s'installera son âme après qu'elle sortira du corps? Qui parmi nous aura réfléchi où est-ce que s'établira son âme? Qui parmi nous a réfléchi où est-ce que demeurera son âme après avoir quitté son corps? Car certes, nous constatons et nous apercevons beaucoup de gens qui n'ont comme souci que de satisfaire leurs plaisirs, que de combler leurs distractions. Et leur situation est certes comparable à celle des mécréants, ceux à propos desquels Allah a dit « وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ » Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu seront leur lieu de séjour. Et Allah nous dit également أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْفَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. Et Allah nous dit dans sourate Al-A'raf وَلَقَدْ بَوَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et de hommes pour l'enfer. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Et ils ont des yeux mais ne voient pas. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Et ils ont des oreilles mais n'entendent pas. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Cela sont comme les bestiaux mais plus égarés encore. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Tels sont les insouciants. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. C'est-à-dire que leurs cœurs sont présents, mais ils ne comprennent rien. Ils ne saisissent rien, ils ne raisonnent pas, ils ne comprennent que ce qui n'a pas d'importance. Et ils ne s'accrochent qu'aux jouissances de ce bas monde éphémère. Ils ont des cœurs qui ne remplissent pas leur fonction véritable, qui ne remplissent pas la fonction pour laquelle ils ont été créés dans cette vie. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Et ils ont des yeux, mais ne voient pas. Leurs yeux sont présents. Leur vue fonctionne, mais ils ne remplissent pas leur fonction réelle. Et ils ne jouent pas leur véritable rôle pour lequel ils ont été créés dans cette vie. Les yeux sont présents chez eux, mais ils n'observent que ce qui est interdit et illicite, et ne voient que les choses obscènes, que les choses exorbitantes et détestables uniquement. Mais ce n'est pas les yeux qu'ils aveuglent, mais cela aveugle les cœurs qui sont dans les poitrines. Et cela représente un plus grand mal que si ses yeux étaient absents ou perdus. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Ils ont des yeux mais ne voient pas. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Et ils ont des oreilles mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Leurs oreilles sont présentes, leurs ouïes fonctionnent, mais elles n'écoutent que des paroles futiles, et elles n'écoutent que des discours frivoles. Elles n'écoutent que du chant, et elles écoutent de la musique, et elles écoutent des chansons, et elles écoutent des artistes. Elles écoutent les séries télévisées, et les films, et les futilités qui n'ont aucune importance, mais au contraire, des futilités qui seront des causes du châtiment dans ce bas monde, dans le monde intermédiaire et dans l'au-delà. لَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Et ils n'écoutent ainsi rien à propos d'Allah Azza wa Jal, rien à propos de son prophète alayhi salat wa salam. Mais peut-être s'ils ont une unique occasion d'écouter quelque chose à propos d'Allah, ou d'écouter quelque chose à propos de son prophète alayhi salat wa salam, par l'intermédiaire d'une cassette de Qur'an, ou par l'intermédiaire d'un discours émouvant et touchant, ils s'emplissent d'orgueil et renient, et leur cœur se répugne. Et comme Allah nous dit, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Lorsqu'Allah est évoqué seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et lorsque sont évoqués ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Et Allah nous dit également وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Et parmi les hommes, il y en a qui achètent de plaisants discours, dénués de science, pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là auront un châtiment avilissant. Et Allah nous dit également وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْءٍ اتَّخَذَهَا هُزُوًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Et lorsqu'il aura appris quelque chose de nos signes, Il aura pris certes cela comme une plaisanterie, annonce-lui alors un châtiment douloureux. Et Allah nous dit également وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَلَّمْ يَسْمَعَهَا. كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا lorsqu'on leur lit, lorsqu'on leur récite nos versets, وَلَّا مُسْتَكْبِرَا, il leur tourne le dos avec orgueil, كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا, comme s'il ne les entendait pas, كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرَا, comme s'il avait dans ses oreilles une surdité, un poids, une surdité, un obstacle, فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, annonce-lui alors un châtiment douloureux, وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Certes, la plupart des gens, mes chers frères et sœurs, lorsqu'ils partent au marché, lorsqu'ils partent au supermarché, lorsqu'ils partent aux centres commerciaux, ils achètent tout ce qui les réjouit et tout ce qui satisfait leur estomac parmi la nourriture et parmi les boissons. Et cela peut même les emmener jusqu'au vol. Mais ils ne pensent pas et ils n'ont aucun souci. Et rien ne vient à leur esprit pour acheter ce qui nourrit leurs âmes dans ce bas monde. Comme une cassette audio de science religieuse, comme un discours bouleversant ou touchant, ou bien acheter des livres utiles dans la religion. Là. Alors celui qui désire, Ayuhannas, celui qui désire que son âme soit comblée de bienfaits, celui qui désire acquérir les délices dans la tombe, dans le monde intermédiaire, qu'il rende son âme accrochée à son Seigneur dans ce bas monde, qu'il l'habille du vêtement de l'Iman, de la foi et de la certitude, dans cette demeure, car Iwallah, se vêtir de la foi et l'Iman dans ce bas monde, et surtout pendant ses jours, Iwallah, assure celui qui la porte, et vous à la perte celui qui l'abandonne. Je demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il fasse de moi ainsi que de vous ceux dont les âmes seront favorisées et comblées de bienfaits et de délices dans la tombe, ainsi que dans le monde intermédiaire. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et j'implore à Allah son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wahda. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Ensuite, أيها المسلمون, ô vous les musulmans, ont certes rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam muslim dans leurs deux recueils authentiques un hadith selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, chacun d'entre vous, lorsqu'il meurt, se présente à lui l'endroit où il sera installé matin et soir, et cela dans le monde intermédiaire. Alors, s'il est certes parmi les gens du paradis, il sera en compagnie des gens du paradis, et s'il est parmi les gens de l'enfer, il sera en compagnie des gens de l'enfer. Puis on lui dira: tel est l'endroit de séjour, et telle est la demeure vers laquelle tu seras ressuscité, et tu te dirigeras le jour de la résurrection. Telle est ta demeure vers laquelle tu t'orienteras le jour de la résurrection. Et ceci est un des aspects des bienfaits et des délices dans la tombe, et un des aspects du châtiment dans la tombe. Que l'homme voit dans sa tombe vers où son retour se fera, dans la demeure de dignité éternelle après le jugement et la récompense, c'est le jour de la résurrection. Alors certes, si la destination est convenable, favorable et méritoire, s'accroîtra les sentiments de joie et de satisfaction. Mais si la destination est mauvaise, difficile et pénible, wal'iyadu billah, augmentera alors les sentiments de regret, d'échec, de remords, de peur et de crainte. Naam, se présentera au serviteur sa dernière demeure dans sa tombe. Et sachez également que toutes les informations que nous a données le prophète alayhi salatu wassalam en ce qui concerne l'état des âmes après avoir quitté le corps dans le monde intermédiaire, qu'il n'y a aucune contradiction dans ces propos. Et c'est pourquoi certains savants ont dit que lorsque les âmes sont sorties et ont quitté le corps, après les questions de Munkir ou Nakir, ces âmes se sépareront et se disperseront, et chaque âme se dirigera vers l'endroit où elle séjournera. Certaines âmes, comme ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre intitulé Kitab al-Ruh, certaines âmes seront à l'intérieur d'un oiseau vert, d'autres à l'intérieur d'un oiseau blanc. Certaines âmes seront dans les grandes assemblées, et celles-là sont celles des prophètes et des messagers. Certaines âmes seront arrêtées, emprisonnées dans leur tombe, et certaines âmes se promèneront dans le paradis comme elles le souhaiteront, puis rendront visite à leurs cadavres. Et certaines âmes seront sous la protection de Adam alayhi salam. Et certaines âmes seront sous la protection de Ibrahim alayhi salam. Et il y a également des âmes qui retourneront à leur corps si Allah leur donne permission, en particulier pour rendre le salam à celui qui l'aura salué. Ainsi l'âme, et ce que l'on retient de ce que l'on vient de dire, Et certes que l'âme, que le sujet de l'âme est un sujet surprenant. Et ce que l'on retient de ce qu'on vient de dire est que certes le sujet de l'âme est un sujet surprenant, un sujet étrange. Et c'est pourquoi Allah Jalla wa Ala nous dit « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » Et on te demande au sujet de l'âme, dis certes le sujet de l'âme est de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que très peu de science. Et les délices de la tombe atteignent l'âme et le corps qui la suit. C'est-à-dire que les délices sont ressentis par l'âme, mais également sont ressentis par le corps. Ayyuha al-Muslimoun, ô vous les musulmans, certes nos occupations et le fait que l'on soit occupé et plongé dans nos plaisirs et nos passions a provoqué en nous la dureté des cœurs et entraîne de notre part une rare écoute de ce genre de discours. Cela a provoqué en nous la dureté des cœurs et la rigidité des yeux et l'insouciance et l'indifférence quant à la demeure dernière. Si seulement comme nous éclairons nos maisons dans ce bas monde, nous éclairerions et nous illuminerions nos tombes par les bonnes œuvres. Si seulement comme nous étendons et nous agrandissons pour nous-mêmes nos constructions, nous étendrions et nous agrandisserions nos tombes par les obéissances. Si seulement comme nous embellissons nos demeures et comme nous les agrandissons et comme nous illuminons et comme nous les illuminons, nous penserions et nous réfléchisserions à nos tombes. Et certains jours, est sorti Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah wa radiallahu anhu, lors des funérailles d'un mort avec des gens. Et lorsque les gens achevèrent l'enterrement, et lorsque les gens repartirent, ils demandèrent à Omar ibn Abdel Aziz, pourquoi es-tu resté, ya Omar? Pourquoi n'es-tu pas revenu avec les autres? Et alors il leur a dit certainement cela dans un but de les rappeler de la tombe. Il leur dit, certes, la tombe m'a appelé derrière moi, et certes, elle m'a dit, « Ya Omar ibn Abdelaziz, sais-tu qu'ai-je fait des bien-aimés ?» Et j'ai répondu non. Alors elle dit, « Moi, j'ai certes brûlé les linceuls, j'ai certes déchiré les corps, j'ai certes aspiré le sang, j'ai certes mangé la chair. Ya Omar ibn Abdelaziz, sais-tu qu'ai-je fait des os et des muscles ?» Alors j'ai répondu non. Elle dit, « Ya Omar, j'ai certes séparé les mains des avant-bras, ainsi que les bras des épaules, ainsi que le haut des bras des cuisses, et les cuisses des genoux, et les genoux des jambes, et les jambes des pieds, jusqu'à ce que pleure Omar radiallahu anhu, et pleure ceux qui l'accompagnaient. » Quelques prédécesseurs disent, certes la terre appelle Bani Adam, certes la terre appelle le fils de Adam chaque jour et dit, ya Bani Adam, tu marches certes sur mon dos, mais ta destination est mon ventre. Ya Bani Adam, tu te réjouis sur mon dos, mais tu t'attristeras certes dans mon ventre. Ya Bani Adam, tu rigoles au-dessus de mon dos, mais tu pleureras certes dans mon ventre. Ya Bani Adam, tu manges sur mon dos, mais tu mangeras que des vers dans mon ventre. Et chaque jour, ses prédécesseurs disaient cela pour rappeler leurs frères. Car certes, plus nous aurons évoqué, et plus nous nous serons rappelés de la tombe, plus la crainte augmentera, et plus la crainte augmentera, plus l'on se préparera à la mort, et plus l'on se préparera à la mort, plus on effectuera les causes permettant d'accomplir les bonnes actions. Et elles nous permettront d'obtenir et de bénéficier des délices dans la tombe. Et parmi les plus grandes causes également, permettant d'être comblé des bienfaits et des délices dans la tombe, ne pas tomber dans l'accomplissement des œuvres causes du châtiment de la tombe, celles que nous évoquerons avec tous les détails, cause par cause, dans les prochains discours, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et également parmi les causes de la jouissance et des délices dans la tombe, le fait de réciter une sourate, car les gens de Sunan ont rapporté avec une chaîne de transmission bonne selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, une sourate dans le Coran qui compte 30 versets intercède pour un homme jusqu'à ce qu'Allah lui a pardonné. Et cette sourate est Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, sourate al-mulk. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam appelaient cette sourate l'obstacle, c'est-à-dire celle qui empêche le châtiment de la tombe. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa sallam nous dit, quiconque récite surat al-Mulk, tabarak alladhi biyadihi al-Mulk, chaque nuit, Allah l'épargnera du châtiment de la tombe. Alors mes chers frères et sœurs, veillez à réciter cette sourate, et si vous ne la connaissez pas par cœur, lisez-la du Qur'an, et ne la délaissez pas, et travaillez pour vos tombes, afin qu'il soit trop tard. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse que l'on soit favorisé, que l'on soit comblé de bienfaits et de délices dans la tombe, et que l'on ne soit pas châtié dans nos tombes. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lui seul en a la capacité et le pouvoir.